À Moret, lundi au soir, 30 octobre 1673. Me voici bien près de Paris, ma très chère bonne. Je ne sais comme je me sens. Je n'ai aucune joie d'y arriver que pour recevoir toutes vos lettres que je crois y trouver. Je ne sais quelle raison aura eu monsieur de Coulanges pour ne me pas les envoyer à Bourbilly, comme je l'en avais prié. Je me représente l'occupation que je pourrais avoir pour vous, tout ce que j'aurai à dire à messieurs de Brancas, Lagarde, l'abbé de Grignan, d'Acqueville, monsieur de Pomponne, monsieur le Camus. Hors cela, où je vous trouve, je ne prévois aucun plaisir. Je mériterais que mes amis me battissent et me renvoyassent sur mes pas, plût à Dieu. Peut-être que cette humeur me passera, et que mon cœur, qui est toujours pressé, et qui me fait pleurer tous les jours sans que je m'en puisse empêcher, se mettra un peu plus au large. Mais il ne peut jamais arriver que je ne souhaite uniquement et passionnément de vous revoir, que je ne désire avec ardeur tout ce qui peut y contribuer, et que je ne craigne, plus que toute chose, ce qui pourrait m'empêcher cette satisfaction. Toutes vos affaires et le moindre de vos intérêts sont au premier rang de tout ce qui me touche. Je penserai continuellement à vous, sans que je puisse jamais rien oublier de ce qui vous regarde. Parler de vous sera mon sensible plaisir, mais je choisirai mes gens et mes discours. Je sais un peu vivre, et ce qui est bon aux uns est mauvais aux autres. Je n'ai pas tout à fait oublié le monde. Je connais ses tendresses et ses bontés pour entrer dans les sentiments des autres. Je vous demande la grâce de vous fier à moi et de ne rien craindre de l'excès de ma tendresse. Ma seule consolation, en attendant que je vous voie, sera de recevoir de vos lettres, vous écrire et vous servir, si je le puis. Voilà mon application, et voilà, comme je me trouve, sans compter 1000 autres sentiments dont le récit vous serait ennuyeux. Si vous croyez, ma bonne, que j'exagère d'un seul mot et que je dis ceci pour remplir ma 11e lettre, vous n'êtes pas juste, et c'est dommage que je dise si vrai. Mais je suis persuadé que vous me connaissez assez pour croire que c'est mon cœur qui me fait écrire ceci, et même si mes délicatesses et les mesures injustes que je prends sur moi ont donné quelquefois du désagrément à mon amitié, je vous conjure de tout mon cœur, ma bonne, de les excuser en faveur de leur cause. Je la conserverai toute ma vie, cette cause, très précieusement, et j'espère que, sans lui faire aucun tort, je pourrai me rendre moins imparfaite que je ne suis. Je tâche tous les jours à profiter de mes réflexions, et si je pouvais, comme je vous ai dit quelquefois, vivre seulement 200 ans, il me semble que je serais une personne bien admirable. Don Courrier passa il y a 2 jours. Le cœur me battit à l'effet que vous fera son retour dans le pays. Nous jouâmes, l'abbé et moi, ce que nous aurions dit si le hasard nous avait fait rencontrer, comme il était fort possible. L'abbé fit des merveilles, et dit tout de son mieux, mais j'eus l'avantage de 1000 lieues loin. Toutes mes réponses étaient d'une force et d'une justesse extrêmes. Je sais cette cause au-delà de toute perfection. Si je ne me trompe, monsieur de Pomponne ne demeurera pas dans son ignorance. Mais il ne sera plus temps, et tout est inutile présentement. J'ai eu regret à mon voyage à Bourgogne. Il m'a semblé que peut-être vous auriez eu besoin de moi à Paris. Si monsieur de Sens avait été à Sens, je l'aurais vu. Il me semble que je dois cette civilité à tous les sentiments qu'il a eus pour vous. Je regarde tous ces lieux où je passais il y a 15 mois avec un fond de joie si véritable, et je considère avec quel sentiment j'y repasse maintenant, et j'admire ce que c'est que d'aimer quelque chose comme je vous aime. J'ai relu bien des fois, ma bonne, votre lettre que je reçus à Lyon et celle que vous écriviez à M. d'Acqueville. Elles sont très tendres et font bien leur effet. Songez, ma bonne, que je n'en ai pas reçu une de toutes les autres que vous m'aviez écrite. Pour moi, je vous écris partout. Enfin, voilà la 11e. Ce serait un vrai miracle s'ils avaient toutes été jusqu'à vous. J'ai reçu des nouvelles de mon fils. C'est de la veille du jour qu'il croyait donner bataille. Il me paraît aise de voir des ennemis. Il n'en croyait non plus que des sorciers. Il avait une grande envie de mettre un peu flamberge au vent, par curiosité seulement. Cette lettre m'aurait bien effrayé, si je ne savais très bien la marche des impériaux et le respect qu'ils ont eu pour l'armée de votre frère. Mon Dieu, ma bonne, j'abuse de vous. Voyez quel fagot je vous compte. Peut-être que de Paris je vous manderai des bagatelles qui vous pourront divertir. Soyez bien persuadés que mes véritables affaires viendront du côté de Provence. Mon Dieu, votre assemblée et nos pétoffes, qu'est-ce que tout cela deviendra? Mais votre santé, voilà ce qui me tue. Je crains que vous ne dormiez point et qu'enfin vous ne tombiez malade. Vous ne me direz rien là-dessus, mais je n'en ai pas moins d'inquiétude. Je conjure M. de Grignan de contribuer et à votre conservation et d'avoir un peu d'amitié pour moi. Je vous recommande aussi au coadjuteur, si vous êtes encore à Salon. Ma bonne, je suis à vous. Et votre petit procès, l'avez-vous gagné? L'avez-vous pris d'avoir soin de vos affaires? Vous me remerciez l'autre jour de vous avoir donné plus d'une année. Hélas, ma bonne, plaignez-moi de celle que je ne vous donne pas. Jamais je n'ai vu passer des jours avec tant de regrets, et au moins je n'ai pas sur mon cœur d'avoir perdu, par ma volonté, une seule heure du temps que j'ai pu être avec vous.